bino ba kotie matea na bino na yo bra lelo na komi solo moto e ebu seme papa mama ebu seme mi papa mete mo papa mama asa mo la vi ebu seme papa mama ebu seme mi papa mete mo papa mama asa mo la vi ah oui vraiment il faut aimer les vieux. Faut aimer les vieux. En effet, ce sont les hommes, ce sont les hommes de sagesse, ce sont les hommes de conscience, ce sont les hommes d'analyse. Nous devons nous référer à eux. Vamos.

kana bale kitoko milomeo lomelo meka lomelo ningi samboka bapopoe tosali mosala mosala banzembo bapopo bandimie tomoni banzazi babengi tubanje na ndinga bapopoe Gracias.